Chapitre 12e. Les deux octogénaires suivirent à pas lents la route qui conduisait à la roche du Grand Sire. Zerbinette, s'adressant à sa maîtresse, « Ah ça, madame, et leurs frais ?»« Tu te souviens combien le président de Lunel était jaloux du chevalier ?»« Je lui dis un jour, Sigismond, voulez-vous que nous jouions un fameux tour au chevalier ?»« J'en serais ravi, marquise. »« Mais il faut pour cela, Sigismond, que vous sachiez imiter le cri de l'orfraie en perfection. » À ces mots, tu juges, ma fille, de la figure du président. Il me déclare qu'il a bien dans sa vie outrageusement crié à la grande chambre où il a son mortier, mais sans prétendre pour cela imiter plus particulièrement un cri qu'un autre. Eh bien, prenez celui-là, Sigismond, et quand vous le saurez, nous rirons fort de ce pauvre chevalier. Dès ce soir, marquise, reprend le président, je m'en vais étudier. Dieu merci, les orfraies ne manquent point dans ces bois. Bien, madame, dit Zerbinette, je commence à me rappeler, mais vaguement, je vous en prie, continuez. Quand le président est sûr de son cri, je prends jour avec le chevalier. Je lui donne rendez-vous entre chien et loup, ma foi, tiens quelque part par ici. Je le devance en compagnie du président, que je colloque dans une manière de caverne que tu verras là-bas, à la roche du Grand Sire. Maintenant, Sigismond, lui dis-je, « Écoutez-moi bien. Le chevalier va venir. Vous allez compter 1000 pour lui donner le loisir de me soupirer son martyr, pendant le temps que je compterai 1000 comme vous. Mais dans les environs de 998, j'aurai l'air de m'attendrir à l'endroit du chevalier. C'est alors que vous pousserez vos cris d'orfraie. » « Divin, marquise, divin. Écoutez-moi donc, mauvais garçon. À mon Dieu, la vilaine bête, que je dirai au chevalier, je suis superstitieuse à l'excès. Courez au château, cherchez un fusil pour tuer cet affreux oiseau, et après nous verrons. Le chevalier s'en courra, et moi, cher Sigismond, je viendrai vous trouver dans la grotte. Marquise, vous êtes le démon le plus charmant. Vite, vite, voici le chevalier. Et le pauvre Lunel de se colloquer dans son trou, et de commencer à compter 1, 2, 3, 4, etc., pendant que je viens rejoindre le chevalier. Bon, madame, dit Zerbinette en riant comme une folle. Je vois d'ici la figure de ce cher président, comptant scrupuleusement 1, 2, 3, 4, etc., pendant que le chevalier était auprès de vous. Tout ce que je peux te dire, ma fille, c'est que j'étais convenu avec ce pauvre Lunel de ne m'adoucir pour le chevalier que dans les environs de 998, et ma foi, je n'avais pas compté 10, que je ne comptais plus du tout. Et pendant ce temps-là, le président, qui avait fini son 1000, faisait l'orfraie de toutes ses forces avec des cris si aigus, si étranges, si sauvages, que le chevalier m'en parut tout à coup si extrêmement incommodé que je dis à ce pauvre garçon, pour le consoler de son inconvénient, « C'est la maudite orfraie, c'est l'orfraie !» Il est impossible de rendre l'accent avec lequel la douairière prononça ces derniers mots « C'est l'orfraie !» en aspirant sa prise de tabac pendant que Zerbinette riait aux éclats. « Courez vite au château chercher un fusil !» dis-je au chevalier, reprit la marquise. Il me faut la vie de cette vilaine bête, de cet abominable orfraie. Je vais la déchirer de mes propres mains. Courez, je vous attends. Bon Dieu, marquise, que voilà un étrange caprice. Et puis la nuit va devenir noire, vous aurez peur. Bah, chevalier, je ne suis point poltronne. Courez au château et revenez tôt. Il était temps, ma fille, car lorsque j'étais retrouvé ce pauvre président, la voix lui manquait. Il commençait à crier comme une orfraie qu'on étrangle. Heureusement, la voix lui est revenue vite. Quelle bonne histoire, madame. Et quand le chevalier est revenu, il nous a trouvés, le président et moi, à peu près à cette place où nous voici. Arrivez donc, chevalier, lui ai-je crié de loin. Sans le président, que je viens de rencontrer par hasard, je mourrai de peur. Je vous l'avais bien dit, marquise, reprit ce bel alcandre. Et l'orfraie? S'écria-t-il en brandissant son fusil d'un air de farouche rancune. « Et l'orfraie ? Ma foi, chevalier, je crois bien que je lui ai fait peur, car elle s'est tue quand j'ai rencontré la marquise, » répondit le président. « Mais à propos, mon cher chevalier, » ajouta innocemment le pauvre Lunel, « savez-vous que ce cri-là annonce toujours quelque inconvénient ?» Et en disant ces mots d'un ton prodigieusement malicieux, le président me serra le coude gauche. « En effet, mon cher président, j'ai toujours ouï dire que ce cri pronostiquait fort mal, » riposta le chevalier d'un air non moins narquois en me serrant le coude droit. Plus tard, quand je me suis affolé de cet impertinent petit comédien de Clerville, Nous avons bien ri de l'aventure avec le président et le chevalier, à qui j'ai tout dit alors. Aussi, bien longtemps parmi les gens de notre société, c'est leur frais, est resté comme une manière de proverbe. Quand les hommes... Je comprends, madame, mais hélas, du temps de leur frais, c'était le bon temps alors. Laisse-moi donc tranquille, Zerbinette, avec tes hélas, ça sera encore le bon temps. Et quand cela, madame, est parti dans l'autre monde, c'est ce que je me tuais toujours à dire à ce gros joufflu d'abbé Robertin, qui, par parenthèse, était goulu comme une dinde, et se serait fait fouetter pour ces belles truffes blanches du Piémont que m'envoyait ma cousine Doria. « Allons, madame la marquise, me répondait l'abbé en s'empiffrant, vaut encore mieux croire à cette immortalité-là qu'à rien du tout. C'est pour te dire, ma fille, qu'aux Champs-Élysiens, je retrouverai mes saisons fleuries et tout ce qui s'ensuit, pour m'en servir encore et toujours ainsi jusqu'à la fin des siècles. Amen, et que le bon Dieu vous entende, madame, reprit Zerbinette d'un air béat. 16 ans, c'est joli. C'est ce que je me disais avant-hier en regardant mon petit-fils. Pendant la chasse, quel entrain, quelle ardeur, était-il animé, quelle belle jeunesse, hein, ma fille ? Un vrai chérubin pour chanter la romance, hein, madame, reprit Zerbinette, qui savait son beau marché. Aussi, je crois bien que certaines vicomtesses... Zerbinette ? S'écria la douairière en interrompant sa suivante. Tiens, voilà la rouge du grand sire. C'est niché dans ce trou-là que ce pauvre président faisait l'or frais. Pour Dieu, madame, n'approchez pas davantage. C'est comme une caverne. Il peut y avoir des bêtes là-dedans. J'aurais pourtant bien voulu y entrer pour me reposer. Vous n'y songez pas, madame. Ça doit être humide, comme une cave. C'est vrai, ma fille. Eh bien, place mon pliant, adossé à ce chêne, bien au soleil. C'est cela, à merveille. Et toi, Zerbinette, où t'assieras-tu ? Là, sur cette roche, madame. C'est un peu près de la caverne, mais enfin. À propos, qu'est-ce que tu me disais donc de la vicomtesse ? Je disais, madame, qu'elle voudrait, je crois bien, être la belle marraine de Chérubin. De Raoul ? Ma foi, madame, c'est toujours Monsieur Raoul, mon chapeau. Monsieur Raoul, mon ombrelle. Toujours Monsieur Raoul. Et encore, quand on a voulu effrayer Monsieur Raoul, c'est madame la vicomtesse qui s'est proposée pour lui faire peur, et j'ai bien vu... Tu as vu, que tu ne voyais rien du tout, ma fille. La vicomtesse veut tout bonnement, en paraissant s'occuper d'un enfant sans conséquence, donner le change à son imbécile de mari, pour qu'il ne s'effarouche ni ne se cabre point. Lorsque M. de Montbreuil, l'amant de la vicomtesse, arrivera ici, car je l'ai invité, ce garçon. Il n'y a rien qui vous égaye un château comme quelques couples gentiment appareillés. Aussi, moi, j'en invite tant que j'en trouve dans ma société. C'est amoureux, c'est gai, c'est chantant, c'est grouillant comme les pierrots au mois de mai. Rien qu'à les voir, ça me met la joie au cœur, et le feu à mes souvenirs, et ces bêtas de mari, ces figures. C'est pour te dire, ma fille, que tu as vu de travers à l'encontre de la vicomtesse. Je comprends. Monsieur Raoul est pour elle un manteau. Pas autre chose. Et j'en ai prévenu mon petit-fils. Il aurait pu s'y laisser d'autant plus prendre l'innocent que la vicomtesse est charmante. Innocent, innocent, reprit Zerbinette en hochant la tête. Pas déjà tant, madame. Car Monsieur Raoul est comme Chérubin, son amour pour une belle marraine à ce bel oiseau ne l'empêcherait pas de lutiner Suzette. Cher enfant, vraiment, Zerbinette ? Est-ce que parmi les femmes de la vicomtesse, il y a quelque chose qui vaille, qu'on le regarde ? La vicomtesse a amené ici une grande blonde aux yeux noirs, qui vous a un air, avec ça, blanche comme un cygne, dodue comme une caille, et fait autour. Et tu crois que Raoul ? Eh, madame, c'est de son âge. Pardi ! S'écria la marquise en prenant sa pincée de tabac. Mais à propos de ça, reprit-elle après un moment de réflexion, toi qui sais tout, quoique c'est donc une manière de petite bourgeoise ou de grosse fermière qui vit encoqueluchonnée comme une ermitesse dans cette bicoque isolée qu'est sur la route de Pontbriand. Tu sais ben, la maison est treillagée comme un mur d'espalier, avec une manière de porche tortillonnée en bois rustique, dans le goût de la niche au daim que mon petit-fils s'amuse à élever dans les palis. Tu n'y es pas. Mon Dieu, mais que tu donc sautes, Zerbinette. Nous sommes passés là devant il y a 8 jours. Ah, je sais, madame. Eh bien, cette ermitesse, comment ça se nomme ? Madame Bastien, madame. Qu'est-ce que c'est que ça, madame Bastien ? Madame, dit vivement Zerbinette sans répondre à sa maîtresse, vous n'avez pas entendu ? Quoi ? Là, dans cette manière de caverne ? Eh bien, on dirait qu'on a remué. Allons donc, Zerbinette, tu es folle, c'est le vent dans ses lières. Vous croyez, madame ? Certainement, mais réponds-moi donc. Qu'exécute Madame Bastien ? C'est la femme un revendeur de propriété, comme qui dirait un homme de la bande noire ou approchant. Ah, le vilain gueux. C'est cette bande-là qui a mis le marteau dans mon pauvre châtelet de Saint-Irénée en Normandie, un bijou de la Renaissance. Ils n'en ont pas laissé pierre sur pierre. Mais ma foi, heureusement, mon fils m'a donné le régal de bâtonner un de ces gredins-là. Un des hommes de la bande noire, madame ? Certainement. Figure-toi que nous allions visiter ma terre de Francheville, où je n'avais pas mis les pieds depuis 6 ans. Le marquis me dit « Ma mère, passons donc par Saint-Irénée, nous verrons ce qu'il en reste. » Les Jacobins nous l'avaient confisqué, ce pauvre cher petit châtelet, et l'étaient retombés dans le domaine national, comme disent ces abominables scélérats. Nous arrivons à Saint-Irénée, et nous trouvons table rase sauf l'orangerie, où une de ces mauvaises bêtes de proie de démolisseurs s'était terrée. Son méchant sort veut qu'il se trouve là quand nous descendons de voiture sur l'emplacement du châtelet. Nous étions, comme tu le penses, mon fils et moi, dans le feu de notre colère. « Monsieur, dit le marquis à cet homme, pourriez-vous m'apprendre quelles sont les bêtes brutes qui ont eu l'infamie de raser le châtelet de Saint-Irénée, un des plus merveilleux monuments de la province ?»« Ces bêtes brutes, c'est moi et mes associés, monsieur, et vous, vous êtes un insolent de me parler ainsi. » Répond cet animal à mon fils avec un accent charabia qui empestait son auvergnat d'une lieue. Tu sais que le marquis était vif comme la poudre, fort comme un turc et brave comme un lion. Il vous applique alors à mon démolisseur une volée de coups de canne. Ah, ma fille, quel coup de canne jubilant! Il me semble que j'ai la volonté de les entendre encore tomber et retomber sur le gros dos de ce charabia. Nous allons nous battre à mort, à bout portant! Criait cet imbécile en se frottant les reins. « Vous avez été insolent, je vous ai donné des coups de bâton, partant quitte, » lui répondit le marquis. « Quant à me battre avec vous, j'ai fait mes preuves, et je ne me commets point avec un drôle de votre espèce. » Et là-dessus, « Madame, » s'écria Zerbinette en interrompant encore sa maîtresse, « je vous assure qu'on a remué dans la caverne. Ah ça, finiras-tu avec tes effrois, tu m'impatientes à la fin. Mais madame, que diable veux-tu qu'il y ait là-dedans, des voleurs ?» « Ma foi, madame, cette forêt ?»« Eh bien, ma fille, rappelle-toi la vieille chanson. » Et la marquise fredonna de sa voix chevrotante. « Cher voleur, disait Suzon, cher voleur, disait Marton,